J'ai connu la tristesse et les pleurs. Je me suis inquiétée pour demain. Souvent il y avait des moments, je me sentais seule. Mais dans chaque situation, Dieu me donna l'assurance que mes épreuves viennent pour me rendre fort. Dans les épreuves, j'ai appris à croire en Dieu. Dans les épreuves, dans les épreuves, j'ai appris à compter sur sa parole. Dans les épreuves, dans les épreuves, j'ai appris. J'ai fait beaucoup de rencontres. Souvent il y avait des moments, je me sentais seule. Mais dans mes heures de solitude, ces précieuses heures de solitude, Jésus me fit savoir que j'étais le sien. Dans les épreuves, je n'avais pas de problème, je n'aurais jamais su qu'il pouvait les résoudre, ni connu la force de ma foi en Dieu. Dans les épreuves, Seigneur, j'ai appris. Seigneur, j'ai appris à te croire. Alléluia, alléluia, amen. Dans mes épreuves. Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer les yeux et prier? Seigneur, nous te remercions ce matin pour la grâce. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes chaque matin, chaque jour. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais chaque moment de nos vies. Et Seigneur, ce matin, nous sommes ici, pas par nos propres forces, mais par cette grâce, cette même grâce. Seigneur, bénis-nous ce matin. Seigneur, garde-nous. Seigneur, donne-nous cette parole. Seigneur, que nous entendons ta parole ce matin et ta voix ce matin, au nom de Jésus. Et Seigneur, que cette parole nous bénisse. Cette parole nous délivre. Cette parole nous change, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, que cette puissance qui vient avec ta parole vienne briser, Seigneur, nos vies, au nom de Jésus. Seigneur, merci. Et tout le monde dise Amen. Est-ce que vous m'entendez? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Je suis content de voir tout ce matin. Et je pense que vous serez bénis. Alléluia. Amen. Ce matin, on voit un peu quelque chose de différent de ce que nous étions en train de voir. Alléluia. Ne sois pas surpris que tu dois être né de nouveau. Alléluia. C'est le titre. Ne sois pas surpris que tu dois être né de nouveau. Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Alléluia. Est-ce que c'est un mot français? Enfin, lorsque je suis en train de dire là, ça sonnait comme c'est pas, grammaticalement, c'est pas correct. C'est correct? Alléluia. Ok, Jean chapitre 3, verset 1. Alléluia. Vous êtes là? Ok. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui après auprès de Jésus la nuit, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Que Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peux-tu rentrer dans le sein de sa mère et renaître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Donc, le verset 7, c'est le titre du message. Hein? Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Ne t'étonne pas. Alléluia. Ne t'étonne pas que tu dois naître de nouveau. Alléluia. Et comme Nicodème, beaucoup d'entre nous, on va commencer à se poser des questions. Comment est-ce que, vieux que je suis, bien vieux que je suis, comment est-ce que je peux naître de nouveau? Alléluia. Est-ce que je dois entrer dans les seins de ma mère et puis naître encore? Alléluia. Mais Jésus a donné la réponse. Il faut que tu naisses de l'eau et de l'esprit. Alléluia. Amen. Yeah, de l'eau et de l'esprit. Tout simplement, cela veut dire, l'eau signifie la parole de Dieu. Alléluia. Et de l'esprit. La parole de Dieu vient, tu écoutes, et ton esprit, si tu crois et tu reçois Jésus, ton esprit, naît de nouveau. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est l'esprit qui est né de nouveau. C'est pas le corps. Alléluia. Dans l'eau là-bas, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est en fait, c'est l'évangile, la bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Donc, je pense que j'ai répondu à ta question concernant l'eau et l'esprit. Alléluia. Yeah. Et donc, ce matin, beaucoup d'entre nous pensons que nous sommes nés de nouveau. Beaucoup d'entre nous pensons que nous sommes chrétiens. Alléluia. Nicodème était chrétien. Il allait à l'église. Il était chef de juifs. Alléluia. Mais ici, Jésus lui a dit que il faut pas, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas. Ce matin, je t'ai dit, ne t'étonne pas. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup d'entre nous pensons que nous sommes nés de nouveau. Beaucoup d'entre nous pensons que nous sommes chrétiens. Nous avons le salut. Mais c'est pas ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, tu peux être une bonne personne. Tu ne fais pas de bêtises. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu penses que tu es né de nouveau. C'est pas vrai. Tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Amen. Yeah, tu peux, peut-être depuis ton enfance, tu venais à l'église. Tes parents étaient chrétiens. Donc, tu allais à l'église avec les parents. Et maintenant, tu as 20 ans, tu as 23 ans. Donc, tu penses que tu es chrétien. Non. Tout simplement, venir à l'église, c'est pas le salut. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Depuis que tu es né, tu n'as jamais forniqué. Tu es vierge. Tu n'as jamais forniqué. Donc, tu penses que, oh non, je n'ai jamais forniqué parce que chaque fois on vient à l'église, on parle de fornication. Donc, moi, je suis chrétien. C'est pas ça. Alléluia. Est-ce que tu es étonné? Tu es étonné. Tu n'as jamais volé. Tu n'as jamais été bandit. Comme des amis qu'on a. Alléluia. Yeah. Tu n'as jamais fumé le quoi? Nganja. Yeah. Tu n'as jamais fumé le nganja. Bien c'est là ou bien c'est le. La nganja ou bien le nganja. Là. Alléluia. Amen. Donc, tu crois que tu es né de nouveau, bien tu es chrétien, bien tu as le salut. Mais c'est, alléluia. C'est pas ça. Amen. Donc, beaucoup de choses nous considérons parce que tu vas à l'église, donc tu prends la communion. Tu as été, fait quoi? On fait quoi avant la communion? Tu as été baptisé, confirmé, communié, et puis quoi encore? Affirmé, confirmé, quoi? Égalisé. Donc tu penses que tu es sauvé. Tu n'es pas sauvé. Alléluia. Tout simplement, ça c'est, tu n'es pas sauvé. Parce qu'on prend la communion. Mais tout simplement, prendre la communion, c'est pas le salut. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Yeah. Beaucoup de personnes vont à l'église et pensent qu'ils sont sauvés. Mais ils ne sont pas sauvés. C'est pourquoi Jésus a dit, ne t'étonne pas que je te dis que vous devez naître de nouveau. Ne t'étonne pas. Parce que Nicodème va aller à l'église. Il était juif. Chef des juifs. Hein? Si on parlait de chef des juifs, peut-être que même chef des juifs, cela veut dire qu'il n'était pas même pasteur. Alléluia. Et beaucoup de pasteurs vont à l'église, ils ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. Yeah, c'est pourquoi Dieu ne t'étonne pas. Parce qu'il sait qu'il était chrétien. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, il était pasteur ou bien il était chef de juifs. C'est pourquoi il allait dans la nuit. Parce qu'il ne veut pas que les gens voient que, parce qu'on critiquait Jésus, tout ça là. Mais il sait que le gars là, il vient de Dieu. Donc il allait la nuit. Il ne veut pas que les autres le voient. Aller voir Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Yeah. Yeah. Ne t'étonne pas. Beaucoup des activités religieuses qu'on fait. Je chante à la chorale. Je suis dans la chorale. Je danse à l'église. Je joue les instruments. Je fais quoi? Beaucoup d'activités religieuses. Et on pense que, oh, on est sauvé. Lorsque Jésus arrive, bien, lorsque le jour arrive, je vais aller. Le Seigneur va m'amener au ciel. Alléluia. Yeah. Yeah. D'autres personnes qui donnent de l'argent. Oh, je donne de l'argent. Je vais aller voler de l'argent. Je donne de l'argent pour annuler le vol. Est-ce que vous comprenez? Parfois, les gens vont aller pêcher, puis viennent, et puis donnent une somme d'argent comme offrande. Ils pensent que, oh, Seigneur, j'ai donné de l'argent. Est-ce que vous avez vu, Seigneur? Seigneur, tu as vu? J'ai donné de l'argent, c'est fini. Est-ce que vous pouvez annuler ce que j'ai fait? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Beaucoup de choses qu'on considère. Je lis la Bible chaque jour. Hein? J'ai une famille chrétienne. Hein? Toute ma famille, même les chats et les chiens sont des chrétiens. Tout le monde à la maison, les poulets, tout le monde sont des chrétiens. Un jour, l'évêque a dit que bon, il a dit à ses enfants, aussi longtemps que vous êtes dans cette maison, dimanche, on va à l'église. Même les chiens et les chiens vont aller à l'église. Si vous êtes dans ma maison. Alléluia. Yeah. Yeah. Ne sois pas étonné. Ne t'étonne pas. Yeah. Ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. Alléluia. Amen. Parfois, les gens, oh, je suis membre de Lighthouse, oh, Pentecôte, méthodiste, catholique, quoi encore, Praise Chapel, Action Chapel, Witness Chapel, va seulement à l'église. Donc, on pense qu'on est né de nouveau. Ne t'étonne pas ce matin, je te dis que tu n'es pas né de nouveau. Tout simplement ça. Hallelujah. Non, je ne dis pas que il faut pas me mal comprendre. Ces activités sont des bonnes activités. Tout le monde doit les faire. Alléluia. Venir à l'église, prier, chanter, tout ça là, c'est bon. Mais être né de nouveau, c'est différent. Et tu dois être né de nouveau avant de faire ces activités. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah, tu dois être chrétien d'abord. Tu dois être sauvé d'abord avant de chanter. Alléluia. Amen. Donc, être né de nouveau, c'est quoi? C'est quoi? Alors, pasteur, je suis étonné. C'est quoi alors? Alléluia. Amen. Mais il y a des choses que tu dois comprendre d'abord. Romains 3, verset 23 dit quoi? Romains 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Tout le monde a péché. Pour comprendre le salut, pour comprendre être né de nouveau. Alléluia. Pour comprendre ce que veut dire, pourquoi Jésus a dit à Nicodème, ne t'étonne pas. Pour comprendre ça, il faut savoir que tout le monde a péché. Tous ont péché. Alléluia. Tous ont péché. Tout le monde. Tout le monde. Regarde ton voisin. Il a un beau visage, bien. Elle est belle. Avec les cheveux, hein. Beau, c'est beau. Hé, mon frère. Comment tu vas? Ça va bien. Il y a longtemps. Alléluia. Yeah. Mais tous sont péchés. Alléluia. Tous sont péchés. Qui n'a jamais volé ici? qui a une fois volé. Hey! Fermez les yeux. Ok, fermez les yeux. Fermez les... Tout le monde ferme les yeux. Personne ne va voir. Ok, ferme les yeux et lève la main. Qui a une fois volé? Alléluia. Hey! Yeah. Yeah. Nous tous, on a jamais, on a une fois volé. Alléluia. Yeah. Je peux dire que si tu viens, tu as commencé l'église ici depuis janvier. OK? Et OK, je laisse cet exemple. Je laisse cet exemple. Non, non. Non, je laisse, je laisse. Vous avez les oreilles, itching ears. Ça veut dire, on dit quoi? Les oreilles, comment? Itching ears. Comment on dit ça en français? Qui aime écouter les histoires? Chaque fois, oh, c'est quoi, c'est quoi, oh, c'est quoi? Alléluia. Yeah. Qui n'a jamais menti? Même ce matin, on a menti. Alléluia. On a menti. Alléluia. Yeah. Tout le monde a péché. Oh. Tout le monde a péché. Parce que les gens disent que moi, je suis parfait. Parfait depuis. Depuis que j'ai commencé à me à être conscient de moi-même. Cela veut dire que l'enfance, on n'est pas conscient parce que on fait des trucs. On a grandi à un moment, on est conscient de soi-même. Depuis là, je ne fais pas les trucs que les autres font. Alléluia. Yeah. Même alors que je suis en train de prier, les gens même ont péché. Dans le cœur. Dans le cœur. Avec les yeux. On a déjà même prêché. Yeah. Déjà prêché. Galates chapitre 5. Vous allez voir. Galates chapitre 5. Alléluia. Ok. Galates chapitre 5. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. Débauche, c'est quoi? Débauche. Chaque fois le mot là, je me fais de... Débauche, c'est quoi? La fornication. Alléluia. Hein? Quoi encore? Débauche. Là? L'alcoolisme. L'alcoolisme. Yeah. Alcooliser toi, ton corps. Alcooliser ton corps. Alcoolisme. Quoi aussi? Fornication. Toute espèce d'impurité. Ok, le mot suivant, c'est impurité. Yeah. Alcoolisme. Fornication. Impureté, toutes sortes d'impuretés. Yeah. Et quoi encore? Dérèglement. Dérèglement, c'est quoi? Qui ne suit pas les règles? C'est ça ou bien c'est? Hein? C'est ça? Vous êtes sûr? Ok. Impureté. Toutes sortes d'activités sexuelles qui n'est pas permis. Toutes sortes d'activités sexuelles. Soit avec quelqu'un d'autre ou bien toi seul. Yeah. Masturbation. les femmes comme les hommes. Yeah. Et puis on est ici, on est assis ici, tranquillement, avec un beau sourire. Je vais vous donner un secret. C'est bon? C'est bon? Yeah. Lorsque je pars d'un péché, et tu te retrouves là-bas, il faut seulement sourire. Personne ne va savoir. Il faut seulement sourire, personne ne va savoir. Ça ne veut pas dire que tu es content de cela, en fait. Pour ne pas te sentir mal, c'est pourquoi je dis ça. Parce que je ne suis pas ici pour te condamner, en fait. Ok, je suis en train de décrire un état, hein, dans lequel nous nous trouvons, pour que le Seigneur puisse nous sauver. Donc, il ne faut pas te sentir mal. Ok? Tu vois, il y a un démon qui est en train de sortir. Donc, lorsque je parle d'un péché dans lequel tu te retrouves là, tu te sens très... Le démon est en train de... Yeah, tu vois qu'il y a la chaleur. Il faut allumer le ventilo. Sinon, la chaleur. C'est un démon qui est en train de sortir. Yeah, c'est vrai. Oh. Jésus prêchait et un démon a dit, pourquoi? Pourquoi tu es en train de nous chasser avant notre temps? Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, les démons sortent. Hein? Et lorsque le démon est en train de sortir, il faut pas empêcher le démon de sortir. Hein? Tu sais comment tu empêches le démon? Lorsque tu refuses, tu n'acceptes pas la parole de Dieu. Tu es en train d'empêcher le démon de partir. Et tu vas réaliser que tu es toujours dans ce péché. Alléluia. Mais lorsque tu acceptes et tu crois, tu dis, ah, c'est la parole de Dieu. Oui, je ne vais plus. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu vois que le démon va, oh, et puis c'est fini. Alors qu'avec le temps, il va plus revenir. Alléluia. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Yeah. Donc, débauche, impureté, dérèglement. Dérèglement. Quoi encore? Idolâtrie. Ah, les images. On adore Beyoncé. On a mis ça. À la chambre, dans la chambre. Yeah, Beyoncé. Et qui aussi? Qui? Guinée Minaj. Guinée, what? Dicky Minaj. Nicki Minaj. Yeah, Nicki. Le Nicki là. Yeah. On adore. Les gens. Yeah. Yeah. Vous avez les photos sur le téléphone. On adore chaque jour. C'était dans tout ça, le téléphone. Le téléphone devient une idole. Une bien un. Une bien un. Oh, les gens disent un, les gens disent une. Hey, les francophones. Vous voyez, les anglophones, ils n'ont pas de problème. Tu vois, c'est femelle ou bien mâle, c'est même préposition. Même préposition. Il y a ce côté qui dit un, ce côté dit un, une, ce côté dit une. Donc, c'est quoi maintenant? On choisit quel? Lequel? L'idole. Ok, l'idole. L'idole. Hein? Et surtout les filles. Votre, ici là, est devenue idole. Yeah, ici là. Le nez, l'œil, la bouche, les lèvres, les cheveux. Idole. Même tout à l'heure, quelqu'un a pris miroir pour voir. Miroir dans le sac. Pour essayer de s'arranger un peu. Idole. Hein? Parce que lorsqu'on parle d'idole, on dit, oh non, moi je suis pas là. Et ce sont qui font les images, les statues. Là, ok, statues, donc, non. Dans le présent siècle, dans le présent monde là, beaucoup de choses deviennent idoles pour nous. Beaucoup de choses, l'argent, idole. L'argent, tu peux tuer pour avoir de l'argent. Alléluia. Amen. Yeah, idole. La fille est devenue l'idole pour toi. Hein? La fille là, est devenue idole. Une idole, donc c'est la fille, donc une idole. Et l'homme est devenu un idole pour toi. Forgive. Tu n'arrives pas à dormir. Hey! Ok. La magie. Yeah, la magie. Il y a les gens qui font la magie, hein. Yeah. Certains, la ceinture, là, c'est la magie. La ceinture. La bague. La bague. Ou bien le truc, là. On met beaucoup de choses. La magie. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Je vois les gens qui font image sur leur corps. Yeah. C'est démoniaque. Donc, il ne faut pas aller faire ça. C'est démoniaque. Alléluia. La magie. Les rivalités. Rivalité, c'est quoi? Quoi? Concurrence. Compétition. Yeah. Yeah. Rivalité. Jalousie. C'est jalousie? Aussi. Les querelles. Yeah. Ceux qui aiment quereller là. Les jalousies. Les animosités. Animosité, c'est quoi? Quoi? Pardon? Le fait d'être sauvage. Animaux, animosité, animal, animosité. Hé, hey, vous êtes sûr? Animosité, hein, agir comme des animaux. Animosité. Hé, hey, il faut pas me tromper. Oh. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, excès de table, manger, beaucoup, boire beaucoup, yeah, gourmandise, boire, excès de table. Alléluia. Yeah, vous voyez, ce passage englobe toutes sortes de péchés. Toutes sortes de péchés. Nous tous avons péché. Oh. Je pense que tout le monde s'est retrouvé quelque part ici. Yeah. Yeah. Oh, tous péchés. Nous avons tous péché. Alléluia. Et il dit quoi? Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Waouh. Waouh. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Donc, tout le monde a péché. Tout le monde a péché. Lorsqu'on commence à demander, on va voir que, ah, mon frère, je suis pécheur. Alléluia. Deux choses. Pour comprendre, être né de nouveau, bien que vous comprendre le salut. Deuxième chose. Hein, Romains 6, verset 23. Car, le quoi? Le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Donc, tu dois comprendre que avec ce péché-là que tu as, tu es mort. La mort. Alléluia. La mort. La mort éternelle. La mort spirituelle. Séparation de toi et de Dieu, séparé de Dieu. Alléluia. Amen. Et un jour, puisque tu es séparé de Dieu, un jour tu vas te retrouver dans l'enfer. C'est la mort là. Pas la mort physique. La mort physique, c'est ici. Alléluia. Amen. Il faut réaliser que ta personne, c'est un esprit qui vit dans ton corps. Et donc, un jour, cet esprit quitte le corps. Et le corps est inutile. Et lorsque l'esprit quitte, il y a seulement deux endroits. Le ciel et l'enfer. Le royaume de Dieu et l'enfer. Et donc, si tu es séparé de Dieu par le péché, tu vas te retrouver dans l'enfer. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Troisième chose. Pour comprendre pourquoi Jésus a dit à Nicodème, ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. Alléluia. Pour comprendre le salut. Hein? Troisième chose, c'est de comprendre que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il nous a tant aimé. Jean 3, 16. Et vous allez réaliser que c'est dans le même chapitre, dans la discussion là, que Jésus et Nicodème ont eu. Chapitre 3, verset, Jean 3, verset 16. C'est dans le même chapitre qu'il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. Dieu a réalisé que non, avec tout ce qui, depuis là, non, il doit avoir quelque chose pour sauver mes enfants. Sinon, tous les enfants vont se retrouver dans l'enfer. Hein? Parce que non, même avec tout ce qu'il a essayé de faire, il a mené les animaux, tué les animaux pour, une fois l'année pour le péché, hein, pour laver le péché de mon peuple. Dans l'Ancien Testament, il allait une fois, le prêtre allait une fois, ou bien le sacrificateur allait une fois dans le lieu saint pour faire des sacrifices pour le peuple d'Israël, bien pour les Juifs, pour que Dieu les pardonne leurs péchés. Dieu a réalisé que non, les animaux là, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il doit avoir un sacrifice une fois pour tous. Parce qu'ils faisaient ça chaque année. Chaque année, ils amenaient un sacrifice. Chaque année, ils amenaient un animal. Un animal pour sacrifier pour tout le monde. Un animal pour sacrifier pour chaque année. Et Dieu a réagi que non. Ça là, on peut pas continuer ainsi. Parfois même, ils amènent un animal qui est malade pour le sacrifice. Yeah. Et donc, Dieu a réagi que non. Je dois faire un sacrifice une fois pour tous. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi Jésus est venu? Une fois pour tous. Et donc, on n'a plus besoin de faire des sacrifices en ce sens pour nos péchés. Alléluia. Donc, c'est pourquoi il dit, Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi? Il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Il dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour nous condamner, mais par lui pour nous soyons sauvés. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le troisième chose. Tu dois comprendre que, Dieu nous a aimé tant, il a envoyé Jésus pour nous sauver. Alléluia. Quatrième chose. J'ai presque fini. Waouh. Oh, il est temps. Okay. Quatrième chose, c'est que tu dois croire en Jésus-Christ qu'il a envoyé. Tu dois croire dans ton cœur et puis confesser. Alléluia. Amen. 1 Jean 5, verset 1. 1 Jean. 1 Jean, chapitre 5, verset... Quel verset? Verset 11. Verset 1, non, verset 1. OK? 1 Jean 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Alléluia. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Alléluia. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez, quiconque croit doit croire en ce Jésus-Christ que Dieu a envoyé. Tu ne dois plus amener un mouton pour se sacrifier pour tes péchés. Tu dois seulement croire en Jésus-Christ qui a été sacrifié pour toi. Alléluia. Amen. Ça, c'est quatrième et cinquième chose. C'est cinquième? Quatrième chose. Alléluia. Cinquième chose, pour comprendre le salut, tu dois confesser ou déclarer ouvertement que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Yeah, tu dois confesser et déclarer. Confesser ouvertement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Yeah, tu dois confesser et confesser tes péchés. Confesser Jésus. Alléluia. Il y a une différence. Confesser Jésus et confesser tes péchés. Tu confesses Jésus pour recevoir le salut et tu confesses tes péchés. Alléluia. Romains 10. On va lire très vite. Romains 10. Verset 9-10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce verset est très, très important pour un chrétien. Alléluia. Si tu confesses, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ici le salut. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Tu es justifié lorsque tu crois. Alléluia, tu crois en Jésus-Christ. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Est-ce que c'est clair? Yeah. C'est pas le fait que tu es né dans une famille chrétienne et depuis là tu vas à l'église donc tu es sauvé. Non. C'est lorsque tu fais ça. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est pas ok, là, je suis baptisé. Non. Est-ce qu'on a dit baptisé, sauvé? Non. Le baptême vient après le salut. Alléluia. Il n'a pas dit lorsque tu prends la communion, donc tu seras sauvé. Non. Car en croyant du cœur, tu crois. Lorsque tu crois, tu parviens à la justice. Tu es justifié. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alléluia. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Amen. Salut, c'est ça. C'est ça le salut. Croire en Jésus-Christ que Dieu a envoyé. C'est sacrifier sur la croix. Et puis confesser de ta bouche. Ah, c'est pas la communion, c'est pas le baptême. C'est pas prier. C'est pas lire la Bible. C'est pas chanter dans la chorale. C'est pas jouer un instrument. C'est pas danser à l'église. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné. Alléluia. Yeah. Parce que j'attends beaucoup de personnes disent, oh, je suis baptisé. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible que lorsque tu es baptisé, tu es sauvé? Baptiser, c'est bon, on doit se baptiser. Après le salut, tu dois te baptiser. Mais baptême seulement n'est pas le salut. Ou bien? Yeah. C'est clair ou bien? Yeah. Donc, tu dois confesser ouvertement ta bouche. Tu dois croire. Point 4, c'est croire. Et point 5, c'est confesser. Confesser Jésus. Qu'il est ton sauveur. Alléluia. Amen. Yeah. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Sixième chose. C'est de recevoir Jésus. Alléluia. recevoir Jésus-Christ comme son sauveur. Le prendre comme son ton sauveur. Tu crois, tu confesses et tu le reçois. Alléluia. Tu le reçois. Est-ce que c'est bon? Jean 1:12. Ce sont des choses que, ces points je suis en train de dire, ces versets je suis en 5. Comme chrétien, tu dois les connaître. C'est ça ton salut. Alléluia. Yeah, la base, de la parole de Dieu, pour ton salut, c'est ça. Recevoir. Parce que c'est pas tout le monde qui reçoit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Alléluia. Yeah. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a fait quoi? Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Yeah. C'est pas ce verset qu'on dit que non, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Yeah. Tout le monde est créature. On nous a créés, Dieu nous a créés tous. Mais ceux qui le reçoivent deviennent enfants. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? C'est ce qu'on dit, c'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Alléluia. Yeah. Donc, c'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. Nous sommes tous créés, mais on n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que ça va? Yeah. Yeah. Sixième, ça c'est sixième. Recevoir. Septième point. Yeah. Avant de lire septième point, on va lire ce verset. Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, 26. OK. Le temps passe, mais on va essayer de venir. Vous êtes fatigué? OK. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Alléluia. Amen. Yeah. Yeah. Donc, qu'est-ce qui se passe? La nouvelle naissance. C'est pourquoi on dit être né de nouveau. Être né de nouveau. Le Seigneur nous donne un nouveau cœur. Il enlève le cœur de pierre et met un nouveau cœur. Un nouveau, met son esprit dedans. Et donc, lorsque tu es né de nouveau, tu fais cette prière tout juste après. Tu reçois cet esprit de Dieu. Alléluia. Donc, un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Et dit, il fera en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquez mes lois. C'est pourquoi ceux qui sont nés de nouveau et ne suivent pas, ne pratiquent pas les commandements de Dieu, on se pose la question s'ils sont vraiment nés de nouveau. Est-ce que le jour là, lorsque tu faisais la prière, tu as vraiment, vraiment cru et tu as vraiment confessé de ton cœur et tu as reçu vraiment le Seigneur Jésus comme ton sauveur? Parce que c'est ici, il dit, lorsque tu reçois, il te donne, il fait en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et vous pratiquez mes lois. Alléluia. C'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit. Dans Jean, la Bible dit que le Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à suivre le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Dans Éphésiens 3, il y a un verset qu'on a lu hier là. Il dit que le Saint-Esprit fortifie ton esprit intérieur pour te rendre fort. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. Donc après d'être né de nouveau, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de dépendre du Saint-Esprit pour vivre. Qui est le septième point? Le septième point, c'est quoi? Tu dois décider de suivre Jésus pratiquement. C'est un bon français. Pratique. C'est pas dit que, oh, je vais suivre le Seigneur, et puis tu es là, tu es en train de faire des bêtises. Ou bien. Yeah, on dit on va faire, mais on ne fait pas. Mais pratiquement, suivre le Seigneur, pratiquement. Alléluia. Yeah. Tu dois renoncer à ta vie ancienne. Après le salut, renoncer à toutes les bêtises là, toutes les choses qu'on faisait. On bu, on boit beaucoup, on va n'importe où, on fait n'importe quoi, on est avec des amis qui nous aident à pécher, qui nous enseignent comment pécher. Deviennent les enseignants des pécheurs. Le professeur des pécheurs. On les suit toujours. On dit, oh non, mon ami, depuis l'enfance. Alors que l'ami l'a tendu dans des péchés. Hey! Tu vas suivre l'ami là et vous deux, vous allez vous le retrouver dans l'enfer. Alléluia. Yeah. Moi, l'ami de l'enfance là, qui ne m'aide pas sur le Seigneur, mon frère. Non. Amitié là, qu'est-ce que l'amitié là va me donner? Un jour, la Bible dit, un jour, toi seul, devant le trône de trône. Le jour là, l'ami ne sera pas là. L'ami aussi va pas essayer de penser à lui-même parce que lui aussi va faire face à le jugement. Tu seras seul, pas l'ami. Toi. Oh Seigneur, l'ami là était là, c'est lui qui m'appelait. Ok, depuis l'enfance, on est né. Lorsque ma maman me naissait, il était là, on était ensemble, on est né ensemble. Mon frère, tu vas voir. Est-ce que vous comprenez? Yeah, tu seras seul. La Bible que tout le monde, seul, tu vas faire face au jugement. Donc, tout ce qui t'empêche, parfois, on va de l'heure, on dit que non, ta femme, ton mari ne peut pas t'empêcher de servir le Seigneur. Ta femme, ton mari, hey, t'allais, le jour là, la femme. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mari ici. Oh. Il n'y a pas de femme et mari au ciel. Il n'y a pas ça. Alléluia. Amen. Donc, décidons de suivre pratiquement le Seigneur. Pratiquement. Maintenant qu'on comprend le salut. Est-ce que vous comprenez le salut maintenant? Yeah, maintenant qu'on comprend. Alléluia. Yeah, on va continuer la semaine prochaine. Levez-vous. Alléluia. Yeah, fermez les yeux. Nous allons prier, fermez les yeux. Yeah. Tu es ici. Et puis on vient de lire les versets, les paroles qui concernent le salut. Et tu es étonné. Tu réalises que non, je ne suis pas né de nouveau. Je n'ai pas le salut. Peut-être que tu as une fois même fait cette confession, prié cette prière de salut, mais tu n'as pas vraiment compris. Donc après, tu as réalisé que la vie n'est pas une vie d'un chrétien. Et dans ce matin, tu réalises que non, tu dois encore donner ta vie à Dieu. Tu dois vraiment décider de donner ta vie à Dieu. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Les yeux fermés, tout le monde, les yeux fermés. Tu croyais que tu étais né de nouveau. Tu croyais que tu as le salut. Tu croyais que tu es chrétien. Mais vraiment, c'est pas ça. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Lève la main, on va prier. Lève la main. Yeah, merci, mon frère. Lève la main. Merci. Merci. Je vois les mains. Merci. Je vois vos mains. Si. Merci. C'est une décision personnelle. Ne regarde pas là ton voisin même. Ne fais pas attention à ton voisin. Ne fais pas attention. Que ton voisin ne t'empêche pas de donner ta vie à Dieu. Lève la main. Que ton ami ne t'empêche pas. Que ton statut ne t'empêche pas. Que ton mari ou ta femme ne t'empêche pas. Que ton ami intime ne t'empêche pas. Merci. Merci. C'est individuel. Toi seul, devant le Seigneur, ce matin. Si tu as levé la main, s'il te plaît, viens devant, on va prier. On va faire cette confession ensemble. Bien. On va faire cette confession ensemble. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Acclamez pour eux. C'est la joie. C'est pas, c'est la joie. Ma soeur, tu as levé la main. Bien. Bien. Bien. Non, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Tu as levé la main. Bien. Bien. Bien. Il y a quelqu'un d'autre qui veut venir. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Aujourd'hui, on a l'opportunité. Tu vas dire, oh non, la semaine prochaine. Est-ce que tu es sûr que la semaine prochaine va te retrouver? On ne sait pas. Et même ce soir, le Seigneur va venir. Donc, si tu es là, est-ce que tu peux venir? Fermez les yeux, tout le monde. Fermez les yeux. Si tu es là, tu peux venir. Si tu es là, tu peux venir. Viens. Viens. Je sens qu'il y a une personne qui doit venir. Si c'est toi, viens. Si c'est toi, viens. Ne reste pas. Tu n'as pas l'opportunité demain, lendemain ou bien la semaine prochaine. Tu ne sais même pas là où tu vas te retrouver. Le Seigneur peut venir ce soir. Bien demain. Et ce serait trop tard. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Et dans l'enfer, tu vas crier, si je savais. Alors que tu peux pas changer. C'est éternel. Tu viens? Je t'entends? Merci. Merci, mon frère. Merci. Alléluia. On peut prier. Oh, merci. Merci. Merci. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Tu peux venir. Tu peux venir. Merci. Merci. Merci. Merci. Viens. Viens, mon frère. Acclamez pour lui. Acclamez pour lui. Acclamez pour lui. Viens, acclamez pour lui. Acclamez pour lui. Yeah, acclamez. Acclamez. Yeah. Les yeux fermés, les yeux fermés. Les yeux fermés. Je sens qu'il y a une autre personne qui doit venir. Je sais pas si je dois t'attendre bien. Je sais pas si je dois t'attendre. Je veux commencer la prière. Je veux commencer la prière. Je sais pas si je dois t'attendre. On n'a pas beaucoup de temps ce matin. Alléluia. Prions ensemble. Dis, Seigneur Jésus, je te remercie. Fais cette prière de ton cœur, du fond de ton cœur. Tu es en train de répéter après moi, mais fais cette prière, ta propre prière ce matin. Et quelque chose de nouvel sera réalisé dans ta vie ce matin. Au nom de Jésus. Dis, Seigneur, je te remercie pour le sacrifice, pour Jésus que tu as sacrifié sur la croix pour moi. Seigneur, merci. Ce matin, je crois dans mon cœur qu'il est mon sauveur. Et je confesse, je déclare qu'il est mon sauveur. Seigneur, merci. Ce matin, je demande pardon pour mes péchés. Mes péchés, depuis l'enfance jusqu'à ce matin. Seigneur, pardonne-moi. Lave-moi avec ce sang précieux qui a coulé pour mes péchés. Seigneur, merci. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je décide de te suivre, de pratiquer ce que tu me demandes. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Je ne veux plus retourner à la vie ancienne. J'ai une nouvelle vie. Ce matin, comme ta parole dit, j'ai reçu ton esprit. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen.